Fica só o mesmo. São Cecília, Água, Vici, Conói, Ferro, Jorgião, Tete, Anocone, Seminé, on peut y entendre le rappel de la formule le signe est chaud à la différence du signe et ce qui représente. Le terme représente est bien sûr accentué. Du mot représentant, c'est du mot représentation, et pourquoi qui représente un sujet pour un autre signifiant. Comme on vient de dire que l'autre signifiant ne sache rien de l'affaire, c'est pour ça qu'il est clair qu'il ne s'agit pas de représentation, mais de représentation. Nous voulons quoi à cette même place. J'ai cru pouvoir en illustrer ce que j'ai appelé le discours humain. Le discours du maître entend que justement, si nous pouvons le voir réduit à un seul signifiant, il implique qu'il représente trop d'appeler quelque chose. Il représente X, qui est justement ce qui est à élucider dans l'affaire. Car rien n'indique en quoi le maître imposerait sa volonté. S'il y faille un consentement, c'est hors de nous. Et que Hegel, à cette occasion, ne puisse se référer comme au signifiant du maître absolu qu'à la mort, et pour le coup, un signe. Un signe que rien n'est résolu par cette pseudo-origine. C'est bien pour ça qu'on continue, personne n'est mort. Dit le maître, pour qu'il serait après tout démontré. Il en est le maître. Et s'il était ressuscité, à savoir qu'il avait passé effectivement par l'épreuve, quant à l'esclave, c'est la même chose. Il a précisément renoncé à s'y affronter. L'énigme de la fonction du maître ne se livre donc pas immédiatement. J'ai amorcé, j'indique parce que c'est déjà sur la voie que nous n'avons pas à feindre de découvrir, sur la voie qui est celle, par où, non pas la théorie de l'inconscient, de la découverte de quelque chose qui nous assure que ça va, ça ne va pas soi, que tout savoir d'être savoir se sache comme tel, puisque ce que nous découvrons dans l'expérience de la moindre psychanalyse, c'est que c'est bien quelque chose de l'ordre le plus précisément du savoir. Non pas de la connaissance, non pas de la représentation, mais très précisément de ce quelque chose qui lit dans une relation de réseau insignifiant, S1 si vous voulez, à un autre signifiant, S2, c'est dans des termes aussi pulvérulents. Et ainsi faire entendre, en usant de métaphores, l'accent qu'il convient de mettre dans l'occasion au terme savoir. Et dans un tel rapport, pour autant justement qu'il ne se sait pas que réside de la sienne, de ce qui se sait. Comme petit maître, comme moi, celui qui en sait un bout, doit tout de même de temps en temps, ça se détraque. C'est là l'éruption de toute la face de lapsus, l'achoppement qui se révèle l'inconscient. Mais c'est bien mieux, c'est bien plus loin, par la lumière. De l'expérience analytique. Nous nous permettons de lire une biographie quand nous en avons les moyens, quand nous avons suffisamment de documents. Que ça fait, ce qu'elle croit, ce qu'elle a cru avoir été comme destinée, de pas en pas, voire même à l'occasion, comment cette destinée elle a cru la clore. Néanmoins, il apparaît à la lumière de cette notion qu'il n'est pas sûr qu'un savoir sache, que nous puissions vivre, au niveau de quel savoir inconscient s'est fait le travail, la vérité de tout ce qui est cru être. Pour opérer sur le fait du discours du maître en tête, c'est indivisiblement le travail là, celui qui constitue à l'inconscient d'en révéler. Cette vie, bon qu'on en parle, ce qui de vérité reste, peut surgir dans le détour de fiction et d'erreur. Le savoir donc est mis au centre sur la sellette par l'expérience psychanalyse. Ceci à soi tout seul nous impose un devoir d'interrogation. Il n'a nulle raison de restreindre son champ. L'idée que le savoir puisse faire d'aucune façon. Il n'y a aucun moment plus d'espoir dans l'avenir. Totalité, c'est clos. Voilà ce qui, bien sûr, n'avait presque attendu la psychanalyse pour the heads with Jesus. Head off that. Yes. Yeah. Cette mise en doute, je vais être abordé dans ce temps. Quand il s'agit des sceptiques. Je parle de ceux qui se sont intitulés ce nom au temps où ça s'appelait l'école. Chose que nous n'avons plus qu'une formelle idée de ce que ça peut constituer une école. Mais d'après tout, ça s'abonne. Ce qui nous reste des sceptiques, peut-être faut-il mieux juger, mais de voir que nous n'avons peut-être que ce qui est capable de recueillir de les autres. Je ne savais pas, la formule de radicale mise en question de tout savoir, de sa totalisation. C'est une idée qui montre combien peu porte l'incidence des écoles. C'est une idée que le savoir lui sert totalité, lui dit, est immanent aux politiques. En tant que tel, on le sait depuis longtemps. L'idée imaginaire du tout, telle qu'elle est donnée par le corps, par la prêcherie politique, en s'appuyant sur la bonne forme de la satisfaction. À la limite, quoi de plus beau? Mais aussi, quoi de moins fait, quoi qui ressemble plus à la clôture de la satisfaction. La collusion de cette image avec l'idée de la satisfaction est quelque chose contre quoi nous avons. Chaque fois que nous rencontrons quelque chose qui fait dans ce travail, quand il s'agit de la mise au jour de quelque chose par les voies de l'inconscient, c'est l'obstacle, la limite, c'est plutôt le coton dans lequel nous perdons sens, nous voyons obstrués. Il est important de savoir qu'elle a toujours été utilisée dans le politique, mais qu'il est étrange, qu'il est singulier de voir une doctrine telle que là, qui en a instauré l'articulation sur la fonction de la lutte de classe, n'a pas empêcher qu'il en ait quelque chose qui est bien pour l'instant. Le problème nous est à tous présenté, à savoir le maintien d'un discours du maître, certes, non pas de la structure de l'ancien, au sens où il s'installe de la place indiquée au lettre de l'antenne, mais de celui à gauche, le chapeau de lui, je vous dirai pourquoi, et où ce qui occupe la place que provisoirement nous appellerons dominante, c'est justement ceci qui se spécifie, ne prenons pas savoir de tout, comme pas, mais d'être tout savoir. Entendez ce quelque chose s'affirme. De n'être rien d'autre que savoir. Ce qu'on appelle, en langage courante, la bureaucratie. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas là quelque chose à ce problème. Si aussi bien nous sommes partis de ce que dans ma première énonciation, celle d'il y a 3 semaines, j'étais parti. C'est que dans le premier statut du discours du maître, savoir de la part de l'esclave. Pourquoi? J'ai cru pouvoir indiquer mince contre-temps m'est empêché la dernière fois peut-être d'y revenir pour donner telles indications supplémentaires. Je veux pouvoir indiquer que ce qui s'opère du discours du maître antique, celui du maître moderne, tel capitaliste, c'est quelque chose qui s'est modifié dans la place du savoir. On peut même pouvoir aller jusqu'à dire que la tradition philosophique avait sa responsabilité dans cette transmutation. De sorte que si c'est pour avoir été dépossédé de quelque chose, on apprend tout bien sûr pour la propriété communale, que le prolétaire se trouve qualifiable de ce terme de dépossédé qui justifie de la révolution. Il n'est pas sensible qui lui est restitué. Ce n'est pas forcément sa part si ce savoir dont effectivement l'exploitation capitaliste en le rendant inutile, celui-là lui est rendu un type de subversion. C'est autre chose qui lui est rendu, savoir de maître. C'est pourquoi on a fait changer de maître. Ce qui reste, c'est bien en effet l'essence du maître. Savoir qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que cela constitue la vraie structure du discours du maître. L'esclave fait beaucoup de choses. Pur milieu de bande. Même si celui-ci ne le sait pas plus, ce qui est le cas ordinaire, car sans ça, il ne serait pas un maître. L'âme le sait. Là, la fonction de cela, c'est aussi pour ça que ça marche. Car tout de même, ça a marché assez longtemps. Le fait que le tout savoir soit passé à la place du maître, voilà ce qui est loin d'être. On pacifie un peu plus ce qui est en question, à savoir la vérité. Tout ça semble qu'il y ait un signifiant de maître. Allez, elle est bien lovée pour être un du maître, montrant l'os. Il en est de la nouvelle tyrannie du savoir, rendant impossible à cette place, et la place où nous avions peut-être l'espoir qu'apparaisse au cours du mouvement historique ce qu'il en est de la vérité, maintenant ailleurs. Il est approduit par cela. Eux-mêmes, consommables, d'autant que les autres, sociétés, consommables, matériel humain, comme on l'a énoncé dans un temps aux applaudissements de certains, en vue de la tendresse. Ceci mérite d'être boite, puisqu'aussi bien ça nous concerne. On concerne maintenant. C'est d'interroger ce dont il s'agit dans l'art psychanalytique. Je ne le prendrai pas au niveau que j'ai espéré. Je pourrais boucler la boucle. Il y a deux articles qui restent à interrompre. Cela s'assoit, s'institue comme tel le psychiatre. Je prendrai au niveau de l'expérience. Et ces interventions, une fois l'expérience, ses limites précises. Il y a un savoir qui ne se sait pas plus. Je l'ai déjà dit. Il est actué au niveau de S2. Soit pour celui que j'appelle l'autre signifiant. Il a assez insisté là-dessus l'année dernière. Cet autre signifiant, le ventre de l'autre du grand sacre, en éthique. C'est lui qui donne, tel cheval de Troie monstrueux, la fille de ce fantasme, savoir totalité. Il est bien clair, pourtant, que sa fonction implique que quelque chose vienne frapper du dehors. Quand un samérien n'en sortira, et Troie ne sera jamais pris. Qu'est-ce qu'institue l'analyse? J'entends beaucoup parler de discours de la psychanalyse, comme si ça voulait dire quelque chose. Si nous caractérisons un discours de centrisme, ce qui est sa dominante, il y a le discours de l'analyse. Et ça ne se confond pas avec le discours du psychanalyseur, avec le discours tenu effectivement dans l'expérience analytique. Ce que l'analyse institue comme expérience analytique, on peut dire simplement, c'est l'hystérisation du discours. Autrement dit, c'est l'introduction, par des conditions d'artifice, du discours de mystère, celui ici indiqué d'un grand H. Pointé l'année dernière, en disant que c'est le discours qui existait et qui existerait de toute façon, que la psychanalyse soit là ou non, je l'ai dit d'une façon imagée, parce que je lui ai donné son support le plus commun, celui d'où est sorti mon expérience majeure. C'est à savoir le détour, le tracé en chicane sur lequel repose ce malentendu. Que dans l'espèce humaine constitue le rapport sexuel. Comme on a le signifiant, il faut qu'on s'entende, et c'est justement pour ça qu'on ne s'entend pas, le signifiant n'est pas fait pour le rapport. Et là, l'être humain est par là, fichu, fini, sur quelque chose qu'ailleurs, parce qu'il n'a pas été le cas. En présence des espèces infinies, et qui pour la plupart d'ailleurs ne comportent aucune population, qui évidemment montre à quel point c'est eux dans les intentions de la nature, il y a en tout cas une chose certaine, si pour l'homme ça va qu'à un gars, Que grâce à un truc qui te permet, tu fais ta mort durant un seul temps. Voilà ce que je dis. Discours qui, industrieuse comme elle est, il ne la présente pas. Ça n'est pas son privilège. Beaucoup d'hommes sont analysés et qui, de ce seul fait, sont bien forcés aussi d'en passer par le discours du stérile. Puisque c'est la loi, la réduction. Comme dit elle du rapport, en grande femme, nous voyons donc une série fabriquée en elle seule, un homme qui serait animé des désir de savoir. J'ai posé la question à mon dernier. La question nous ressort de jeudi. Que si nous constatons qu'historiquement le maître a lentement poussé le savoir pour en faire un savoir, il restait mystérieux. Comment le désir, dans le désir, vous m'en croyez sans passer. Puisque l'esclave le comblait avant que même il sache ce qu'il pouvait obtenir. Comment le désir a pu venir en finir? Vous êtes charmant chaud, je dirais. On affirme que c'est du réel de la décolonisation. En Algérie ancienne, et écrasé ici, comme vous le voyez. C'est une charmante relation. Grâce à ça, je ne serai pas au moins comme ça jusqu'à un certain point, j'arrive au bien d'avant. Mais le parenté, je entre le discours philosophique et le discours de l'histoire. Précisément, en ceci, justement. Qu'il semble que ce soit le discours philosophique qui ait animé le maître et dit qu'est-ce que peut bien être l'hystérie en question? Voilà un domaine à la part du monde. Il y en a dans la pensée. Elle affirme un tout petit peu en avant de ce que raconte l'orateur, qui trouve là une occasion d'exercer la tête. Je me rassure. La voix, au moins, elle me semble promettre. Quoi qu'il en soit, pour donner une formule plus ample qu'à la localité, disons qu'à seulement lire ce que j'inscris là. Bien sûr, nous savons toujours pas ce que c'est que cette femme. Et donc je dis qu'il passe quand il s'agit de l'homme. Est-ce qu'il y a un homme animé de désir de savoir? C'est qu'il s'agit de savoir quoi? De quel prix elle est elle-même, cette personne qui parle? En tant qu'objet petit pas, elle est juste. Chute de cet effet de cours, son cours toujours cassé quelque part. C'est la limite que l'hystérique veut que l'on sache. C'est en quoi, de par le langage, de par le langage, sur l'ampleur de ce que, comme femme, elle peut ouvrir sur la jouissance. C'est pas là qui est en train de se apporte la spiritualité, c'est que l'autre, l'autre qui s'appelle l'homme, sache quel objet précieux devient dans ce contexte de discours. Et après tout, voilà. Le fond même de l'expérience analytique, si je dis à l'autre, il donne la place dominante dans le discours de l'hystérique. Il hystérise son discours, il en fait ce sujet. Il est prié d'abandonner autre chose que celle des quatre murs qui le ferment, et de produire l'équilibre, disons, de cette association libre, maîtresse, pour tout dire, du champ. Dire n'importe quoi, comment cela peut-il conduire à quelque chose, n'était pas déterminé. Il n'y a rien dans ce qui peut être là sorti au hasard, justement, peut-être signifiant. Il se rapporte à savoir qui ne se sait pas, qui est vraiment ce qui travaille. Seulement, il n'y a aucune raison qu'il en sache par là un peu plus. Si l'analyste ne prend pas la parole, ne peut-il advenir le geste traditionnel foisonnant S1. Beaucoup de choses, assurément. Madame qui écoute peut en enregistrer beaucoup de choses. Avec ce qu'un contemporain moyen peut énoncer, il ne prend garde à rien. Ça prend énormément de clés. J'ai enregistré, après construire cette petite machine électronique. C'est d'ailleurs l'idée que peuvent avoir certains. Ils construisent la machine électronique grâce à quoi l'analyste n'a en quelque sorte qu'à tirer le ticket pour donner la réponse. C'est que qui est en jeu ici dans le discours de l'analyste, car dans l'expérience, c'est lui qui est le maître. Sous quelle forme, ce qu'il faudra bien entendu que je réserve à nos prochains entretiens. Pourquoi sous la forme petit a, seulement je marque déjà ce qu'il y a ailleurs. Mais ce qui est remarquable, c'est que de son côté, c'est de son côté qu'il y a S2, qu'il y a savoir. Ce savoir, il l'acquiert. D'entendre son analyse, ou que ce soit savoir déjà acquis, on verra. Il y a un certain niveau de limité au savoir-faire à la vie. Il le fait schéma, comme déjà ce fut indiqué. Mettre S2 dans le discours du maître à la place de l'esclave, et de mettre ensuite dans le discours du maître modernisé à la place du maître. C'est pas le maître, sa voix. Là, à quelle place est-il? À la place du discours du maître. Hegel, le plus sublime des hystériques. Hegel nous désigne comme étant celle de la vérité. Car on ne peut pas dire que la phénoménologie de l'esprit, ça consiste à partir du sens de l'Ussain, au niveau immédiat de la tentation, et impliquant que tout savoir se sait depuis le départ. À quoi bon toute cette phénoménologie? Il ne s'agissait pas d'autre chose. Seulement, il faut bien dire l'hystérie de ce discours. Tient précisément à ce qui élude cette distinction minimale qui permettrait de s'apercevoir que tu n'aimes jamais cette marche historique qui est en fait la marche des écoles, bien sûr, aboutissait au savoir absolu. L'annulation, l'échec, l'épanouissement au terme de ce qui seul motive la fonction du savoir, de sa dialectique avec la jouissance, le savoir absolu, ce serait purement et simplement l'abolition de ce terme. Quel don maintenant que nous apporte cette position de S2 à la place de la vérité? Qu'est-ce que la vérité comme savoir? Et bien c'est la réponse. C'est une énigme entre autres. Je vais vous donner un autre exemple de ce que ça peut être aussi. Lacan 17-12-69, pas de coupure dans le passage de 2 à 3. Les deux ont la même caractéristique, qui est le propre de la vérité. C'est qu'on ne peut jamais la dire qu'à moitié. Notre chère vérité de l'imagerie dévinale sort du puits. Ça n'est jamais qu'à licorne. J'ai fait ça en Italie, dans une des conférences. On m'a demandé, on ne sait pourquoi, à laquelle je ne fais pas. Je sais médiocrement pourquoi. J'ai fait ça de la chimère, 5 ans. Précisément le caractère originel du discours de l'histoire. Elle pose une énigme à l'homme édite, on est peut-être des a un complexe, mais pas certainement pas celui auquel il prévenait son nom. Je lui réponds d'une certaine façon. C'est comme ça qu'il vient, est-il? Je lui ai demandé la chimère. Il aurait pu y avoir beaucoup d'autres réponses. Pour 4, 2, 4, 3, 4, il aurait pu dire, mais c'est pas le cas. On va donner un tout autre résultat. Il dit, c'est un homme. Et encore, précis, un homme en tant que nourrisson. Nourrisson, il a commencé sur 4 pattes, c'est le bâti sur 2, voire c'est une troisième. C'est le nourrisson, même coup. Il droit comme une balle dans le ventre de sa mère. C'est ce qu'on appelle, en effet, à juste titre, le complexe des. Mais je pense que vous voyez ça. Ce que veut dire ici la fonction de l'énigme. Un midi, comme la chimère apparaît à mi-corps, il va disparaître tout à fait quand on va donner la solution. À savoir, en tant que vérité, ceci définit ce que doit être la structure de ce qu'on appelle une interprétation. J'ai longuement insisté sur la différence de niveau de l'énonciation à l'énoncé. C'est bien pour que prenne sens qu'il en est de la fonction de l'énigme. Et d'une autre que je vais maintenant dire. L'énigme, c'est proprement ça, une énonciation. Je vous charge de le faire devenir un énoncé. Débrouillez-vous avec comme vous pouvez, comme dit Philippe. Et donc, je dirais les conséquences. Voilà ce dont il s'agit dans les livres. Mais il y a autre chose à quoi on ne pense guère. Je vais comme ça pleurer, chatouiller de temps en temps. Parce qu'à vrai dire, ça me concernait assez souvent pour que je ne sois pas très mal. Donc, j'en parle aisément. Et ça s'appelle la citation. La citation, ça consiste, toujours dans le texte, vous avancez, plus ou moins bien, si vous êtes très bon. Pour le droit de la vie sociale, tout de suite, Marx. Marx a dit. Si vous êtes analyste, vous citez Freud. C'est Freud, c'est pas ça. C'est comme ça. L'énigme, l'énonciation, et que prenez-vous pour l'énonciation? La citation, je pose l'énoncé, voilà, c'est le solide appui que vous trouvez en tant que auteur, donc je vous remets la charge. Et c'est très bien la citation. Ça n'a rien du tout à faire avec le statut, plus ou moins branlant de la. Au hasard que j'ai choisi ce jeune homme, c'est en fonction de la part prise par le discours, par le lecteur supposé qu'on les cite. C'est là l'importance de la fonction de la citation. C'est qu'à sa façon, c'est aussi un midi. C'est un énoncé dont on vous indique qu'il est recevable. Pour autant que vous participez déjà à un certain discours. et un discours structuré comme niveau de structure tout à fait fondamentale sont là au tableau. Les marqueurs. Et c'est là le seul point vif, mais pouvais-je l'expliquer jusqu'à présent, qui fait que la citation, qu'elle consiste ou non un auteur, peut avoir tout à fait au second degré une avance. Je vais vous faire comprendre, je vais prendre un personnage en quelque sorte tout à fait familier. Supposez qu'au second temps, on cite une phrase en indiquant là où elle est du nom de l'auteur, sur le cœur. Supposez qu'on cite la mer, on la met sous mon nom. Ça ne peut absolument pas, dans les deux cas, avoir le même sens. Ce qu'il en est de ce que j'appelle la citation. Eh bien, ces deux registres entendent précisément qu'ils participent du midi. Voilà, qui donne le médium. Si l'on peut dire l'éthique, laquelle intervient l'interprétation. L'interprétation qui en est l'interprétation est autant et à mi-part énigme, énigme autant que dit dans la trame du temps, énigme que vous ne pouvez nullement compléter de vous-même l'interprétation. Vous ne pouvez pas considérer comme un vœu en menti. Les citations, d'autre part, à savoir pris dans le même texte, tel énoncé, tel est montré lui, le parfait, pour à peu à seulement que vous le joignez à tout le contexte. Appel à la à celui qui en est l'auteur. Car ce qui frappe lorsqu'il en est de cette institution du discours analytique, mais qui est le ressort du transfert, n'est pas comme certains ont pu l'entendre de moi, que l'analyste, que soit lui, qu'il soit placé en fonction du sujet supposé savoir. Si la parole est donnée librement au psychanalyseur, c'est justement ainsi qu'il reçoit cette liberté, ce qui lui est reconnu. Il peut parler comme un être, c'est-à-dire comme un sans sonnette, mais que ça donnera d'aussi bons résultats que dans le cas d'un vrai être. Je suis supposé conduit à un savoir où on se fait le gage, l'otage de lui qui accepte d'avant d'être le produit. C'est à savoir, très précisément, le psychanalyste, en tant que, comme je le définis, à la fin, à la perte, à l'élimination du processus. Je veux dire qu'il puisse assumer cette place. Donc, du niveau du discours du maître, il est clair, déjà, dans le rapport du maître et de l'esclave, que le désir du maître c'est le désir de l'autre, puisque c'est le désir de l'esclave régnien. De savoir ce qu'il en est, de ce de quoi l'analyste prend la place dans des chaînes de mouvement d'investissement sujet supposé savoir. Sujet qui d'être reconnu comme tel dans son endroit. D'avance fertile de quelque chose qu'on appelle transfert. Assurément, il n'est que trop facile de voir ici passer l'ombre des sensations d'être reconnu. Ce n'est pas là l'essentiel à le supposer le sujet. Voir ce qu'il fait, plus encore, on sait la vérité de la conduite, mais non point l'être même. Lui, l'analyste, se fait la cause du désir de l'analyse. Que veut dire cette étrangeté? Il vaut mieux la considérer comme une émergence historique qui fait de la première fois apparue dans le monde, je pense à la vie, d'une voix qui peut peut-être nous entraîner à un long détour, marquer pourtant que c'est la fonction déjà apparue, que ce n'est pas pour rien. Preuve, encourage, de préférence. Tant de pré-socratiques à entrer dans leur corps de statut. Les raisons qui tiennent au fait que à deux heures, il y a une chose particulière qui est désormais, comme je le fais aujourd'hui, à 2h moins le quart, je vous donne rendez-vous le deuxième mercredi de janvier.